Chapitre 5e. L'omnibus du château entra bien exactement sur le terre-plein de la gare de Saint-Lambert à 12h15. Il amenait Maurice et Lucien de Soutis, qui, malgré une certaine opposition de leur mère, avaient insisté pour accompagner Valère et Julie. Ces deux derniers, debout sur le quai d'arrivée, attendaient avec impatience le train de Paris, que certainement leur mère, la ponctualité en personne, avait pris le matin même. Valère tirait sa montre continuellement, en comparait l'heure avec celle de l'horloge de la station. Les minutes lui semblaient sans fin, tant était pressée d'annoncer l'heureuse nouvelle. Julie, plus grave, envisageait, non sans quelque appréhension, cette première entrevue avec sa mère depuis sa faute. Les deux jeunes de Soutis les rejoignirent. Le trémolo sonore du timbre électrique annonça le train. Le chef de gare et les employés sortirent des bureaux, et bientôt, tout au bout des rubans d'acier qui s'étendaient parallèlement du côté de Paris, parut la locomotive crachant son panache de fumée. Un coup de sifflet strident déchira l'espace. La machine de fer se montra plus distincte, traînant derrière elle, comme les anneaux d'un serpent colossal, la théorie sombre des voitures auxquelles elle était attelée. Le tout s'arrêta enfin dans le grincement plaintif des freins. Valère, suivi de Julie, s'élança à la portière d'un wagon de première classe, d'où émergeait la face ronde et pourprée de Madame Breton. Ce ne fut point une médiocre opération que de la faire descendre. La bonne dame n'allait jamais sans un encombrement de nombreux paquets, c'était sa manie. Une fois sur le quai, les embrassements l'accueillirent. Elle quittait Valère pour reprendre Julie, et Julie pour reprendre Valère. Celui-ci se préparait à lui dire tout bas la nouvelle dont son cœur était encombré. Lorsque Maurice et Lucien saluèrent à leur tour la voyageuse et donnèrent l'ordre au cocher de la débarrasser de ses paquets. « Et ma malle ? J'allais oublier ma malle !» clama Madame Breton. Et comme elle se dirigeait vers le fourgon des bagages où les employés descendaient le monumental objet, Valère l'accompagna, profitant du moment où ils étaient seuls, pour lui dire enfin la nouvelle qui l'étouffait. « Maman, ma chère maman, mon mariage avec Marguerite est chose décidée depuis hier soir. » Ces mots reçus sans préparation lui donnèrent un coup si violent qu'elle pensa à défaillir et demanda une chaise et un verre d'eau. Le train venait de repartir. Le chef de gare apporta le siège et le verre réclamé, s'excusant de n'avoir point de plateau. Elle but avec avidité, entourée par les quatre jeunes gens et assez satisfaite, dans le fond, qu'on s'occupât d'elle. Dans le désarroi des paroles remerciantes qu'elle prononçait, elle lança cette phrase à Valère. « Quel bonheur !»« Mon mignon, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais à qui le devons-nous ? À qui ? À ton ange de sœur. » Une fois qu'elles furent mises, tout le monde se dirigea vers l'omnibus au sommet duquel les bagages avaient été hissés. Le cocher monta sur son siège, enveloppa les chevaux d'un coup de fouet, et l'équipage partit au grand trot dans le bruit sonore des harnais à grelots. Le marquis, la marquise de Soutis et Marguerite attendaient sous le vestibule. Monsieur de Soutis et sa fille accueillirent d'un visage radieux la nouvelle arrivée à laquelle la châtelaine tendit la main avec une réserve marquée. Elle prétexta une indisposition et s'excusa de ne pas prendre part au déjeuner. Dans le courant de la journée, le marquis, qui avait offert son bras à Madame Breton, lui fit visiter en détail les apprêts de la fête. « Un heureux hasard, lui dit-il, a fait qu'elle nous devient doublement précieuse. Lorsque nous l'avons décidée, il ne s'agissait que de réjouissances données aux gens du pays à l'occasion de ma fille, sauvée d'une mort certaine grâce au courage de Valère. Depuis, le mariage de ces deux chers enfants est arrêté, à notre grande joie à tous. « Que vous êtes bon, monsieur le marquis, » fit Madame Breton, ses yeux riants, mouillés de larmes. « Je sais quelle charmante jeune fille est votre enfant. Je suis sûr qu'elle fera la plus complète des femmes. Mais laissez-moi vous dire, avec un légitime orgueil, que celui qu'elle va avoir pour mari est, de tout point, digne d'elle. Vous l'aviez jugé telle, j'en ai la preuve dans votre décision. » « La chose n'a pas été sans quelques difficultés que votre finesse féminine et votre cœur maternel avaient certainement pressenti. Il est des éducations, vous ne l'ignorez pas, qui mettent les préjugés d'un certain monde au-dessus de tout et les prennent comme règle absolue de conduite. Madame de Soutis en est la preuve. Aussi, il est de mon devoir de vous avertir que ce mariage est loin de réaliser les rêves qu'elle avait toujours formés pour l'établissement de sa fille. » Elle ne voulait à aucun prix d'un gendre qui occupât une fonction lucrative et qui n'appartint pas à ce qu'on est convenu d'appeler la noblesse. Elle acceptait seulement un homme ayant choisi la carrière des armes, mais titré, avant tout. Il a fallu, non pas vaincre des répugnances, mais mater une volonté par une volonté plus forte que la sienne, celle du chef de famille. Je l'ai fait, d'autant plus volontiers que, malgré les idées dans lesquelles les miens m'ont élevé, j'ai, sur nos rapports sociaux en général et sur le mariage en particulier, moi aussi, des idées tout à fait arrêtées. Je passe pour un révolté ou un transfuge, mais je place les principes que je me suis donnés si haut que les critiques et les claboteries inévitables ne peuvent monter jusqu'à moi. Vous voilà donc prévenu, madame. Ne vous étonnez pas alors de l'attitude de la marquise lorsque, tout à l'heure, au moment convenu entre elle et moi, vous viendrez, pour obéir aux usages, nous faire une demande formelle accordée à l'avance. Croyez-vous que je ne me sois pas aperçu depuis longtemps des préjugés de madame la marquise ? Répondit madame Breton, non sans quelque ironie. Tout à l'heure encore, son accueil manquait de cordialité, pour ne pas dire davantage. J'ai fait semblant de ne rien voir. À quel sacrifice n'est point préparé le cœur d'une mère ? Dieu ne nous recommande-t-il pas l'indulgence pour les péchés du prochain, à plus forte raison pour leur faiblesse ? Mais vous étiez là, vous, le plus généreux, le plus chevaleresque, le plus humain des hommes. Il a fallu que la Providence... Le marquis interrompit ce déluge de paroles qu'il mettait à la gêne. Si vous le voulez bien, laissons la Providence où elle est. Nous lui ferons dire demain une messe d'action de grâce. Occupons-nous plutôt de nous entendre tous les deux pour fixer la date de ce mariage. À mon sens, il est nécessaire de la rapprocher autant que possible. Ce n'est pas les enfants qui s'en plaindront, fit doucement madame Breton avec une petite moue pudique. Quant à moi, je vous suis tout acquise. Eh bien, si vous le voulez, convenons que la cérémonie aura lieu dans un mois. Maintenant, où aura-t-elle lieu cette cérémonie ? Mais à Versailles, naturellement. Madame Breton, si prudente d'ordinaire, se trahissait par la précipitation de sa réponse. Elle avait caressé le rêve de donner au mariage de son fils le plus grand éclat. C'était pour elle, de toute nécessité, qu'il s'accomplit avec une pompe inusitée. Elle aurait fait elle-même de réels sacrifices. Elle considérait cette union comme son œuvre, et elle voulait que la solennité servît du même coup de réponse à quelques rebuffades essuyées par elle dans le quartier Saint-Louis, le faubourg Saint-Germain de Versailles. C'était une leçon et une vengeance. Toutes les portes, demeurées closes, devaient par la suite s'ouvrir grandes devant elle, la belle-mère de la fille d'une des plus anciennes et des mieux apparentées parmi les familles nobles de France. Elle voulait, la petite bourgeoise, sur le compte de laquelle on avait chuchoté des aventures de jeunesse, oubliée aujourd'hui, elle voulait, ce qu'elle appelait, dans la trivialité de son langage, une messe carillonnée et tout le tralala d'un événement important. Le marquis ne tarda pas à anéantir tous ses projets. À mon sens, il faut éviter le tapage. Versailles est un grand centre. La position que j'occupe à l'Assemblée, nos relations, sans compter les vôtres, nous obligerait à changer complètement le caractère de la cérémonie que je veux intime, à cause même des circonstances qui l'auront précédée. Madame Breton, piquée au vif, se regimba. Mais ne craignez-vous pas, monsieur le marquis, qu'en se mariant si petitement, deux enfants aient tout l'air de se marier en cachette, comme s'ils faisaient une mauvaise action? Je vous l'ai déjà dit, chère madame, l'opinion des autres m'importe peu. J'estime que dans les conditions où a lieu ce mariage, nous devons au moins à la marquise qui s'y est opposée, les égards qui ne sauraient lui faire défaut. Il est inutile d'exposer sa dignité au froissement dont elle souffrirait certainement, en la forçant de paraître à contre-cœur devant une trop nombreuse assistance. Madame Breton n'écoutait plus, elle était anéantie. Au milieu des ruines de son projet, elle regrettait aussi la superbe toilette dont elle voulait éclabousser la foule, une robe qui se tiendrait debout, un manteau de velours et des dentelles et des fourrures et une certaine plume bleue. Monsieur de Soutis continua. En conséquence, c'est donc ici, dans la petite église de Crétois, que la cérémonie aura lieu. Le vieux curé Bertillon, qui m'a donné mes premières leçons de latin, comme il les a données à mes fils, radote un peu, il est vrai. Mais je lui dois le grand plaisir qu'il éprouvera à bénir le mariage de ma fille. Elle a été baptisée par lui. Elle a fait sa première communion ici, elle se mariera ici. Oh, les assistants n'auront ni couronne princière, ni tortille de baron. Ce seront les paysans, au milieu desquels j'étais élevé, parmi lesquels s'est écoulée la majeure partie de ma vie. Si madame de Soutis éprouve encore quelques peines, si son orgueil faiblit, c'est devant ces braves gens qu'elle pleurera. Pour nous résumer, tout se passera le plus simplement du monde. Je suis certain que notre détermination sera d'accord avec les sentiments de Marguerite et de Valère. La place leur est devenue chère. Consultez votre fils, et vous verrez s'il n'est pas de mon avis. Donc, on signera le contrat au tilleul. Le mariage civil et religieux sera célébré au Crétois. Madame Breton se rendit vite à ses raisons, ne pensa plus à ses projets écroulés et reprit sa gaieté. La demande de mariage fut faite quelques instants après. La marquise, étendue sur une chaise longue, dans une attitude triste, n'avait pas voulu descendre au salon et était restée dans son boudoir. Elle pensait que pour consommer une telle mésalliance, on devait éviter le grand salon, au mur duquel figuraient les visages des aïeux. Elle voulait leur éviter cette honte. Elle accueillit froidement Madame Breton, que ses airs de hauteur touchaient peu du reste. N'avait-elle pas atteint le but désiré? La demande fut formulée simplement, sans les phrases dont pourtant la chère dame n'était point avare. Monsieur de Soutis, debout derrière sa femme, répondit par quelques mots auxquels la marquise ajouta une simple inclinaison de tête. Son mari la mit au courant de ce qui avait été arrêté pour la date et la cérémonie de mariage, lui demandant s'il n'avait point d'objection à faire. « Aucune, » fit-elle, « je ne reviens jamais sur un fait accepté. Il me reste cependant à vous remercier d'entourer cette union qui m'est imposée du cérémonial discret que vous avez choisi. Excusez-moi si, d'ici là, je me tiens à l'écart. Je désire cependant faire exception pour Marguerite que je n'abandonnerai jamais et à qui j'ai conservé, malgré le profond chagrin qu'elle me cause, toutes les tendresses des beaux jours disparus. » Madame Breton se montra fort polie. En fine mouche, comme elle disait, elle comprenait très bien que Madame de Soutis ne témoignait pas une joie excessive pour cette union. Elle demeura quelque temps encore assise, causant de banalités, des apprêts de la fête champêtre du dimanche, de la cérémonie religieuse qui lui donna l'occasion de faire étalage de ses sentiments de piété et de son fils Valère. Elle ne voulait pas être en reste de générosité, et elle revint complaisamment sur le courage de ce fils auquel on devait la vie de Mademoiselle Marguerite. Madame de Soutis reconnut sincèrement toutes les qualités de M. Breton, qualités que dans son lyrisme habituel augmentait son mari. Ce fut l'air de sortie de la bonne dame que le marquis accompagna jusqu'à sa chambre. Les enfants qu'accompagnait Valère se promenaient sur la pelouse, suivant d'un œil curieux le travail des ouvriers. Maurice et Lucien savaient maintenant la nouvelle. Ils s'en montraient tout joyeux. Lucien, surtout, qui cherchait une combinaison de parenté, lui permettant de prouver que Valère, mari de Marguerite, devenu son beau-frère, Julie, en même temps, devenait sa belle-sœur, c'est-à-dire presque sa sœur. Mademoiselle de Soutis, les yeux noyés de bonheur, sa blonde tête appuyée au corsage de Julie, marchait dans son rêve, indifférente à la vie active qui l'entourait. Mademoiselle Breton, elle, réfléchissait. Son nom, crié d'une fenêtre du château, la fit retourner. « C'est maman qui m'appelle. Je vais voir ce qu'elle désire de moi. » Mademoiselle Breton rejoignit sa mère. Quand elle eut pénétré chez elle, celle-ci lui dit « Ferme la porte à double tour. Ce que j'ai à te dire doit rester entre nous. Depuis mon arrivée, je n'ai pu, grâce à tout ce monde, causer seul avec toi. Et d'abord, ma chère Julie, tous mes compliments. Tu as pris une belle revanche de l'occasion manquée par toi. Ce n'était pas facile, car tu avais affaire à forte partie. Avec cette altière et prétentieuse marquise que, finalement, tu as vaincue. Je vois que tu as profité de mes leçons. Viens biser ta mère. Maintenant, la besogne est faite. Valère et Marguerite se marieront le jeudi 24 septembre. C'est ici qu'aura lieu la cérémonie. Pour ménager Madame de Soutis, dont la vanité souffre de voir un Valère Breton entrer dans sa famille, le marquis en a décidé ainsi à mon grand regret. J'aurais préféré une cérémonie plus imposante. Mais on n'a pas toujours tout ce qu'on veut, et nous devons nous estimer assez heureux du résultat obtenu. Il ne faut pas tenter Dieu. Pendant que tu travaillais, ma chère mignonne, au bonheur de ton frère, je ne suis pas restée inactive, je t'en réponds. J'ai travaillé aussi. J'ai mis sur le chantier ton futur établissement. « Mais, maman, je ne tiens pas à me marier, » répondit Julie, que le zèle et la précipitation de sa mère mécontentèrent. « Ta ta ta !» « Quelle nouvelle ancienne me chantes-tu là ?»« Ne pas te marier, mais tu es folle. »« Quand la pêche est mûre, il faut l'accueillir, dit-on dans mon pays. Autrement elle tombe et se gâte. »« Tu es à point et bon gré mal gré, tu auras ton époux. J'ai une bru. Maintenant, je veux un gendre. Ne prends pas tes airs de révolte et ne fronce pas le sourcil. Ta mauvaise humeur va disparaître, j'en suis sûr, quand je te redis que ta mère est bien fatiguée, se fait vieille, qu'elle a besoin de repos, et que son vœu le plus cher est de te voir établie avant d'aller rejoindre ton pauvre père. Tu serais bien changée, tu ne serais plus ma fille si j'avais besoin de rappeler la vie de sacrifice que j'ai menée pour élever convenablement mes enfants, leur donner une instruction dont je sais tout le prix, parce qu'elle m'a manqué. Ne m'interromps pas. Écoute-moi patiemment. Tu feras après tes observations. Je t'ai donc trouvé un mari. Ce n'est pas un seigneur. J'aurais été folle d'établir mes deux enfants dans la noblesse. D'ailleurs, quand une fille n'a pas de nom, et surtout une grosse fortune pour faire pardonner sa roture, c'est encore un mot de la marquise, il faut abandonner à de plus riches le métier ingrat de redoreuse d'armoirie. J'ai un garçon qui semble fait exprès pour toi. Tu aimes le luxe, il est riche, et sera plus riche encore. Tu veux briller dans le monde, eh bien, il a une position superbe, et qui ne peut que grandir. Tu as toujours témoigné le désir d'avoir un mari intelligent et instruit, celui-là est un esprit supérieur et un travailleur. Enfin, il n'y a aucune tâche dans sa famille, tu ne devines pas. Non, fit Julie indifférente. C'est Charles, le camarade de promotion de ton frère, il est dans les tabacs. Décoré pour fête guerre. Son père, il est vrai, a commencé comme simple garçon de ferme. Il s'est instruit tout seul. Finot comme les paysans, mais plus malin qu'eux, il s'était juré de faire travailler les autres pour son compte, comme il travaillait lui-même. La fille riche de son fermier l'a remarqué, il l'a épousée. Une fois en possession de la dot, qui consistait en biens de la terre, il a si bien fait valoir ses champs, il a appliqué à temps avec tellement d'adresse tous les nouveaux procédés de culture, qu'il a décuplé sa fortune à laquelle est venue se joindre celle de ses beaux-parents. Puis sa femme est morte, le laissant plusieurs fois millionnaire avec un seul fils, Charles, dont je te parle, qui l'année même entrait à l'école polytechnique. Les gens de Seine-et-Oise l'appellent Papa Villot, tout court. Il ne s'en offense point. Il y a même des paysans de son âge qui n'ont point réussi et qui sont restés, les uns à la charrue, les autres charretiers ou bergers, qui continuent de le tutoyer. Il est conseiller général, décoré des mains de l'empereur Napoléon III pour les progrès qu'il a fait faire à l'agriculture, et, bonne note, il est resté impérialiste. Le marquis de Carabas ne possédait pas plus de biens que lui. Fermes immenses, champs à perte de vue, minoteries, raffineries, rectifications d'alcool, sans compter des milliers de moutons, des centaines de vaches, des machines à vapeur à ne savoir qu'en faire, enfin, tout ce qu'on peut posséder. Son fils, Charles, le mari que je te destine, au lieu de prendre au sorti de l'école le métier bête de laboureur, est entré dans les tabacs. Aujourd'hui, il est second ingénieur adjoint à la manufacture de Paris. Ce qui est encore pour toi un avantage, puisque tu as toujours rêvé de vivre dans la capitale. J'ai dit. Maintenant, qu'as-tu à répondre ? Julie connaissait trop sa mère et l'opiniâtreté qu'elle mettait dans toute chose pour entrer en lutte avec elle, ou même la moindrement contrariée. Madame Breton était très autoritaire. Elle ne supportait aucune contradiction de ses enfants. Elle réservait ses souplesses apparentes et ses roueries à d'autres besognes. Aussi, sa fille sembla s'intéresser à ce long discours qu'elle avait écouté sans l'interrompre. Elle répondit. Je me souviens en effet avoir vu M. Charles Villot deux ou trois fois à la maison. C'est Valère qui l'avait amené. J'ai même, l'hiver dernier, au premier bal où tu m'as conduite, danser avec lui chez les de Tournemine. Je dois t'avouer cependant que rien, dans son attitude, n'a pu faire supposer qu'il m'eût distingué. C'est un homme froid, correct, parlant peu, il est vrai, et Valère ne m'a soufflé mot des intentions de son ami. Tu es encore naïve, ma chère petite. Tu sais bien que ton frère a l'horreur de s'occuper des affaires des autres, et qu'il faut le pousser comme une charrue pour obtenir ça de lui, dit Madame Breton, en faisant claquer contre les dents l'ongle de son pouce. Mais j'étais là, moi, qui veillais au grain, et j'ai deviné. Je me suis mise aussitôt en campagne. J'ai exagéré les démarches que j'avais à faire pour Valère parce qu'elle me laissait libre de mon temps, et qu'en ton absence, j'avais besoin de voir le papa Villot, de tâter le terrain, d'emmancher l'affaire en un mot. Tout a marché au gré de mes désirs. Non seulement tu conviens au millionnaire, mais tu as séduit son fils. On n'attend plus que toi. Oh! Tu peux dire que ta mère a bien employé les deux mois qu'elle a passé seule à Versailles, pendant que toi, de ton côté, ma chère belle, tu travaillais si bien au mariage de ton frère. Mais tu ne te jettes pas à mon cou. Tu ne me remercies pas de cette situation inespérée. Car enfin, si j'ai reçu, en arrivant au tilleul, la précieuse nouvelle qu'on m'a annoncée, il me semble que j'en apporte une non moins bonne et non moins heureuse. Mais tu pourrais ajouter plus imprévu. J'étais bien éloigné de me douter que tu avais trouvé le moyen de me marier pendant que nous nous occupions de Valère. C'est ce que tu appelles, ajouta-t-elle en riant, d'un rire un peu forcé, auquel ne se méprit pas Madame Breton, faire coup double. Je comprends ton étonnement, mais il ne peut durer longtemps. Donc, remets-toi vite. Songe aux avantages d'une semblable union, réfléchis et dis-moi oui le plus tôt possible. Mais, ma chère mère, je n'aime pas ce jeune homme. Il faut que cette idée d'un mariage avec lui s'acclimate un peu dans mon esprit et surtout dans mon cœur. Ne vas-tu pas maintenant t'amuser à suivre l'exemple de ton frère et croire qu'il faille pousser des soupirs à tourner les moulins, lever les yeux au ciel, pleurer, perdre le boire et le manger, ne pas dormir, n'avoir à la bouche que les mots d'union d'âme, d'affinité élective, que sais-je? Le baragouin des gens qui noircissent du papier écrit des romans stupides, devient-il donc nécessaire pour être heureuse en ménage, faire une bonne petite femme, riche et adulée? Tu ne vas pas, je suppose, me parler de l'amour, de ce sentiment que... L'amour, c'est tout au plus bon à faire les faux ménages. Non pas que je blâme ce genre d'union. Il a pour moi un grand avantage. Qu'on se quitte comme on s'est pris. Mais s'il faut l'imposer comme règle de conduite, il devient une simple stupidité. Et tu n'es pas devenue bête tout d'un coup, que je sache. Allons bas, ma chérie, et sois bien raisonnable. Julie, en allant rejoindre Marguerite, rencontra M. de Soutis en grande conférence avec Valère. Les caisses du feu d'artifice étaient arrivées, et il s'agissait maintenant de trouver une équipe de paysans qui fût capable de les monter. Il aperçut Mademoiselle Breton qui marchait d'un pas hâté, la tête inclinée en avant. « Julie, » fit-il. Qui vous presse tant que vous passiez fière, sans jeter même un regard à votre frère et à votre ami ? Je ne vous avais pas vu, et cependant vous occupiez ma pensée, vous, particulièrement, mon cher marquis. Puisque je vous trouve sur ma route, donnez-moi votre bras. J'ai des choses graves à vous communiquer, ajouta-t-elle dans un sourire charmant. Vous vous permettez, Valère ? Et M. de Soutis s'éloigna avec la jeune fille. Qu'est-il arrivé ? Vous m'inquiétez. Écoutez-moi. Vous allez comprendre si j'ai lieu d'être préoccupé et chagrine. Je viens d'avoir avec ma mère une conversation des plus graves. Elle ne se doute de rien, au moins. Non. Mais j'ai bien peur que nous ne soyons obligés de lui tout avouer. Ça, jamais. Alors il faut trouver un moyen de me sortir de l'impasse où je suis acculé. En deux mots, voici le contretemps qui me met à la torture. Ma mère a voulu faire ce qu'elle appelle d'une pierre deux coups. Valère mariée, elle a tout de suite songé à mon établissement et elle a trouvé pour moi un parti. Elle exige une réponse de ma part dans les 24 heures. Et une réponse affirmative, vous pensez bien, mon pauvre et cher ami. Ainsi, sans me consulter, elle a disposé de moi. Comment faire pour me sortir de cet embarras cruel ? Je cherche et je ne trouve pas. Mais que lui avez-vous dit lorsqu'il vous a mis au courant de ses intentions ? Je connais trop ma mère pour lui opposer une résistance quelconque. Elle a une volonté de faire. Le mieux était de gagner du temps et de répondre par cet argument banal, tant il est vrai qu'il était au moins nécessaire pour se marier d'aimer celui auquel on va lier son existence. Et qu'a-t-elle dit alors ? Elle a répondu que l'amour était bon dans les romans, mais tout à fait utopique dans la vie pratique. Il faut donc que nous trouvions quelque chose à nous deux, car mon imagination me laisse dépourvu d'expédients absolument. Il est donc dit, mon pauvre ami, que le bonheur ici-bas ne saurait aller sans le chagrin. Je m'étais pourtant si vite habitué à mon rêve réalisé. Je vivais dans une béatitude si parfaite que le coup qui me frappe me laisse sans défense, anéanti. Sauvez-moi, Georges. Pardon, sauvez-nous. Monsieur de Soutis, lui aussi, était atterré. Il demeura quelque temps silencieux, regardant bien en face l'inextricable situation, sans voulant de n'y point trouver une issue immédiate. Peu fait pour la lutte, le poète reparaissait avec son imagination ardente qui l'emportait au-delà de la vie réelle et raisonnée. Le premier moyen qui lui vint à l'esprit fut d'enlever tout simplement Mademoiselle Breton et d'aller au loin, en une Floride quelconque, enlacée pour toujours, débarrassée de toute contrainte, vivre, au plein jour, dans l'affirmation éclatante et joyeuse de leur amour. Julie dut le rappeler sur cette terre au sentiment cruel de la vérité. Que faire alors? Revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Avouer à votre mère la liaison qui nous unit. Puis, changeant brusquement le cours de ses réflexions, ramené à une vision plus juste des choses de ce monde, il se demandait si l'amour coupable, mais pourtant si profond qu'il éprouvait pour la jeune fille, ne devait pas s'effacer devant l'occasion offerte d'un mariage inespéré, étant donné leur situation réciproque. Il s'en voulait maintenant de son égoïsme. Sa générosité naturelle reparaissait. Devait-il continuer de garder pour lui seul cet enfant dont il brisait l'avenir et à laquelle il ne pouvait donner aucune compensation morale? Elle lui avait fait sans réserve, sans arrière-pensée, la chère âme, l'abandon de son honneur. Rompre. Il fallait donc rompre, dut-il en mourir. Mais il n'était pas le maître de leur amour. Acceptera-t-elle une rupture que conseillait la raison, mais que rejetterait son cœur? Ne serait-elle pas en droit de considérer comme un outrage une si terrible proposition? Julie interrompit toutes ses réflexions. « Vous voyez bien que la solution n'est pas facile à trouver. Nous chercherons tous les deux encore. En attendant, je tâcherai d'obtenir un délai nouveau de ma mère, si demain, ce que je crains bien, nous n'avons aucun prétexte à lui opposer. » Le lendemain, dès le matin, le château entra en fête. Le temps était superbe. Lui aussi avait voulu être de la partie. La cloche de la petite église du Crétois sonnait à toute volée. Suivant le plan arrêté par la marquise de Soutis, on commençait par un service religieux, un véritable tédéum, pour remercier Dieu de sa puissante intervention dans la façon dont Marguerite avait échappé à la mort. Sur les routes, dans les petits chemins de traverse, on voyait défiler par groupes de familles ou d'amis, ou un à un, des paysans en costume de cérémonie. Les hommes avaient passé une blouse d'un bleu tout neuf, brodée aux épaulettes, par-dessus la renagote noire fripée sortie de la grande armoire, en même temps que le tromblon roussi, posé sur le derrière de la tête et qui datait du mariage de leur propriétaire. Les vieux s'en allaient, cheminant, cassés en deux, marionnettes usées, ridées, à la marche tremblante, appuyés sur un bâton dont les nodosités sortaient en saillie, comme celle des mains calleuses qui le portaient. Les vieilles, en cotillon court de laine brune, aux plis ronds comme des tuyaux d'orgue, s'avançaient dans la même allure, branlant plus fort leur tête, qu'encadrait un bonnet plat aux dentelles de grand-mère. Un fichu à pointe de cotonnade éclatante faisait la croix sur la poitrine. Les jeunes gens ingambes, l'air farot, la cigarette ou le cigare aux lèvres, se dandinant comme à la ville, portaient, les plus élégants, un chapeau de feutre, et étaient habillés d'un vêtement, un complet de drap pareil. Les moins riches se contentaient de la casquette de soie et de la blouse des anciens. Quant aux filles, presque toutes avaient augmenté leurs avantages d'une crinoline, corsage à basque, boutons de verre jouant les pierres précieuses, bonnets à fleurs ou à choux de rubans semblant tissés exprès pour elles. Quelques-unes, plus fortunées, avaient des chaînes de cou en or et des bagues cerclant leurs doigts boudinés. On voyait passer tous ces piétons sur le sol poussiéreux du chemin, disparaissant quelquefois aux endroits où la route s'encaissait pour reparaître plus loin, la tête émergeant d'abord d'un massif, puis petit à petit dans leur entier. Il y avait aussi des carrioles à deux roues, chargés de voyageurs et traînés par de gros chevaux, blanchis de sueur à l'endroit des harnais, et puis des cabriolets et des charrettes. Tout ce monde, débouchant des cinq routes formant l'étoile dont le centre était l'église, s'arrêtait devant l'antique monument, dont les vestiges gothiques s'alliaient à une toiture de grange. Chacun se débarrassait de ses paniers à provisions. Il y en avait qui venaient de loin. On devait déjeuner après la messe sur l'herbe ou chez les deux marchands de vin du Crétois ou chez des amis habitant le petit village, le souper ayant lieu au château. À 11h30 déboucha le cortège. Le marquis, donnant le bras à la marquise, ouvrait la marche. Puis venaient Valère avec sa mère, Marguerite et Maurice et enfin Julie et Lucien. Monsieur l'abbé Bertillon reçut les châtelains au parvis de l'église. Il avait revêtu pour la circonstance ses plus beaux habits sacerdotaux taillés dans une robe à bouquet de la grand-mère de monsieur de Soutis et confectionnée par la marquise actuelle. Derrière le curé se tenait le maître d'école, précédant quatre enfants de cœur, vêtue de lévites trop courtes ou trop longues, d'un rouge coquelicot, que recouvrait un surplis tout blanc et trop empesé. Puis, le chantre Benoît, qui cumulait ses fonctions avec celles de fossoyeur, et le serpent, l'antique serpent de cuir dont jouait le maréchal Ferrand. Monsieur le curé, goupillon en main, offrit l'eau bénite aux châtelains et aux hôtes des tilleuls, pendant que Barrican, pendu à la corde, carillonnait à tour de bras. Cette cérémonie préliminaire terminée, le cortège entra dans l'église, suivi de tous les paysans du lieu et d'alentour, invités à la fête. Monsieur de Soutis, sa femme et ses enfants, Balère, Julie et Madame Breton, s'assirent aux places réservées. Monsieur Bertillon monta les marches de l'autel, et le service commença par l'asperges mai. Cantonnèrent le chantre et les voix de fausset des enfants de chœur, accompagnés par l'harmonium que tenait le maître d'école. De temps en temps, une basse lugubre à côté du ton grondait dans cet ensemble. C'était le serpent qui faisait sa partie. Après l'offertoire, le curé Bertillon monta en chaire. Ah, il n'était pas éloquent, le cher vieux homme, et Dieu sait si, dans ce jour de réjouissance, sa bonne volonté fit tout pour le mettre à la hauteur des circonstances. Mais pour comble de malheur, la présence du marquis et des Parisiens augmenta son embarras. Son sermon se réduisit aux proportions d'un fait divers débité d'une voix chevrotante et nasillarde. Il raconta gauchement comment Mademoiselle de Soutis avait été sauvée, grâce à Dieu et au courage d'un bon et savant jeune homme de Paris. Comment aussi, Madame la Marquise, sa bonne mère, avait recouvré la santé grâce aux soins d'une charmante demoiselle. Le bon Dieu avait envoyé les anges gardiens de Madame la Marquise et de Mademoiselle sa fille sous les espèces et apparences de M. Valère et de Mademoiselle Julie. Aussi fallait-il le remercier de sa puissante et manifeste intervention. Une fois lancé sur ce thème, M. Bertillon ne s'arrêta plus que pour annoncer l'union prochaine de Valère et de Marguerite. « Et la preuve, mes chers amis, qu'un bienfait n'est jamais perdu, dit-il en manière de péroraison, c'est que le Créateur a récompensé M. Breton en permettant son mariage avec la noble Mademoiselle de Soutis. Il a voulu leur donner ici-bas le bonheur qu'ils méritent si bien, en attendant celui qu'il leur réserve au ciel et que je vous souhaite à tous, mes très chers frères. » Madame de Soutis, d'ordinaire si respectueuse de la religion et de ses ministres, oublia le caractère dont était revêtu le vieux curé de campagne et accueillit la fin de son discours par ces mots murmurés tout bas, « Le maladroit !» La messe terminée, les châtelains et leurs amis sortirent et traversèrent la foule des paysans assemblés qui, rangés des deux côtés du porche, se découvrirent en poussant des cris de « Vive, monsieur le marquis! Vive, madame la marquise !» Le soir, à 6 heures, les invités s'attablèrent sous les deux longues allées de tilleul où les attendait le souper. Menu de résistance, soupe grasse, bœuf bouilli, quartier de veau rôti, poulet fricassé, salade, gâteaux de toutes sortes, fruits, fromages, et pour couronner toute cette pitance, café et cognac à plein verre. À 7 heures, les domestiques piquèrent, de distance en distance entre les arbres, d'énormes torches de résine pour éclairer les convives. Leurs visages émoyonnés par l'absorption du vin. Ils avaient dédaigné les fûts de cidre de bière qui, sous la lueur rouge des torches grésillantes, avaient des reflets d'émail. Les voix, silencieuses au moment du repas, s'étaient faites petit à petit, plus nombreuses et plus hautes. Bientôt le moment arriva où tous parlèrent à la fois. La conversation roula sur les sujets qui pouvaient les intéresser. Il y eut des histoires de cochons, de vaches en gésine, de blé trop tôt rentré, qui se croisaient avec le récit de la maladie de la vieille Martineau, ou la paralysie du père au petit Lucas. De leurs hôtes, il n'était point question. Quelques-uns, les plus vieux ceux-là, s'interpellaient à distance, s'excitaient à boire en se portant des santés réciproques. Alors, tous les noms de la famille y passaient. À chaque nom, nouveau verre vidé, puis rempli. L'occasion était trop belle pour ne point en profiter. « Et pour ce que ça nous coûte ?» criait un finot. « Et pour ce que ça coûte au marquis ?» ajoutait un vieux paysan à l'œil gris et plissé, dont le nez pointu et la bouche sans lèvres ne disaient rien qui vaille. « T'as toujours le fiel au cœur, » ajouta un grand gars basané qui venait de finir son service. « J'aurais cru, » ajouta une jeune femme, « que la bouche pleine, tu n'aurais pu médire. » « S'il crève, celui-là, ce ne sera pas de la colique, pour sûr, mais bien de la jaunisse !» hurla un paysan tout tassé sur lui-même, sans une dent, la figure croisée de rides profondes. « Qui a dit ça ?» reprit un bâcher auquel la boisson donnait du courage. « Ah, c'est le père Jeanfray, pour sûr qu'il allait foissurer. « Bah, bah, tu peux me dire, ce monsieur Georges, » ajouta une femme en marmotte. « C'est-il pas lui qui a fait rebâtir la maison quand elle était brûlée et que tu pleurais misère, vieux gripsou ? T'as pourtant de l'argent caché dans ton cellier. » Bientôt, ce fut un haro général contre le Pierre Geoffrey. La tablée devint houleuse, les gros mots succédèrent aux disputes, et les coups suivirent les gros mots si Barrican n'avait mis le holà en rappelant aux buveurs qu'il n'était point au cabaret. Au reste, les convives de ce côté réunis, à part quelques rares exceptions, étaient tous des vieux, hommes et femmes. Par une attirance singulière, ils semblaient s'être donné le mot. La jeunesse avait choisi, au contraire, l'avenue opposée. Là, on ne se disputait pas. Les garçons lutinaient les filles, les femmes plaisantaient leurs maris, et on riait à faire éclater les corsages et sauter les boutons de gilet dans des renversements désopilants. Le silence se rétablissait par moments, mais il suffisait d'une fille de ferme criant avec son accent traînard. « Tu sais, François, si tu me pinces encore, je t'envoie une giroflée à 5 feuilles. » Pour réveiller le rire endormi et secouer toute la longue table. Les plus sérieux, ceux qui causaient d'amour, ne pouvaient résister à la contagion. Les Lazzi couraient de bouche en bouche, et les gros Coquelin aussi. Quelqu'un raconta l'histoire d'une jeunesse qui était partie pour Paris afin de se faire soigner un panari. Un panari, si c'est comme ça que ça s'appelle à présent, dit le fils du charpentier, laissez-moi rire. Qui que lui avait donné ce mal-là, répliqua un autre. Bien sûr que ce n'est pas en ravandant ses bas, ajouta une petite amie à la mine effarouchée. Pourvu que son lait soit bon, ses nouveaux maîtres n'ont pas le droit de lui demander autre chose. Et dans un coin, puisque je vous dis que c'est pas moi qui l'ai caché, votre couteau, fouillez-moi plutôt. C'est la Jeannette qui l'a chipé. Elle veut cueillir une baguette pour conduire, comme qui dirait, son mari. Hé, la rougeaude, fais attention, ton nez va te taper le fond de ton verre. Et tout le monde de s'tordre de cette fine plaisanterie. Au bout de la table, assise prétentieusement, trois paysannes en bonnet semblable à des parterres de fleurs causaient. Elles furent bientôt à leur tour l'objet des colibets, s'y prêtant d'ailleurs de bonne grâce. « Était-elle assez gentille, mademoiselle Marguerite, ce matin ?» s'écria dans un geste admiratif le fils du serpent. « Aussi bonne que gentille et pas fière, celle-là, » répondit une des filles employée à la lingerie du château. « C'est comme la parisienne, son amie, mademoiselle Julie. Elle se retirait plutôt le pain de la bouche pour le donner aux autres. Et son frère donc, quel beau gars. C'est ça qui va faire une chouette noce. » Deux bombes éclatèrent presque simultanément dans la nuit, donnant le signal du feu d'artifice. Chacun se leva, vidant une dernière fois son verre. On quitta la table en une bousculade générale pour se ranger sur la pelouse, dans l'espace réservé entre la salle de danse et la grille du château. Barrican maintint les invités à une distance respectueuse pour éviter des accidents. Les premières fusées furent accueillies par des hurrahs et des applaudissements enthousiastes. Les spectateurs suivaient du regard leurs paraboles hardies et lumineuses, s'exclamant lorsqu'une pluie d'étoiles bleues, rouges ou blanches éclatait au-dessus de leur tête, tombant et s'élargissant en gerbes. Les frondaisons sombres des tilleuls s'illuminaient tout à coup. L'apparition des chandelles romaines, dont un jongleur invisible envoyait à tour de rôle les boules de feu, les canonnades des macarons, le bruit des mortiers, enlevèrent des cris de stupéfaction. Ce fut du délire lorsque les soleils tournants, aux transformations multiples, aux moulinets contrariés, firent leur apparition dans la fusillade des bois d'artifice. Deux fontaines de feu eurent un non moins grand succès. Dans l'intervalle, les fusées continuaient leur trajectoire que terminait un panache renversé d'étoiles tombantes. La pièce principale arriva enfin dans le crépitement des pétards allumés. Son dessin apparut en trait de feu, courant rapidement sur le fond noir de la nuit, comme le voyage bizarre que font certaines étincelles dans la trame d'un papier qui finit de brûler. Elle représentait une figure allégorique de la France sous un portique de style assez singulier. D'un côté, les attributs de l'agriculture et de l'autre, un faisceau d'armes. Cette banale composition frappa l'esprit des paysans, dont l'admiration se tint en haleine jusqu'au moment où, lentement, la fulgurante architecture pâlit puis s'éteignit dans l'ombre. Au même instant, le bouquet final avec ses myriades d'étoiles crevant le ciel et ses jets de fusée sans cesse renouvelés, au milieu d'un bruit de fusillade comme s'il y avait bataille là-haut dans les nuages, mit des cris dans la gorge de ces gens, hypnotisés tout à fait par ce spectacle nouveau pour beaucoup d'entre eux. Pendant qu'il suivait les différentes phases du feu d'artifice, les domestiques de la maison avaient allumé la salle de bal et les guirlandes de lanternes vénitiennes attachées aux tilleuls. Du côté de la grille, tout était retombé dans la nuit. L'orchestre préluda par une polka. Les paysans, en se retournant, eurent une nouvelle surprise. Ils s'engouffrèrent dans l'immense tente élevée à leur intention. La famille de Soutis et les Bretons étaient montés, après leur dîner, au premier étage du château. C'est de là qu'ils avaient vu le feu d'artifice. Au signal donné par l'orchestre, ils descendirent sur la pelouse et gagnèrent la salle de bal. On les attendait. De longues acclamations accueillirent leur entrée. Le marquis, toujours excessif, avait grandement fait les choses. La salle, improvisée et parquetée, était tendue de toiles rayées blanc et rouge, sur laquelle, de distance en distance, étaient disposées des cartouches entourées de drapeaux où figurait le chiffre de Marguerite, surmonté simplement d'une couronne de roses. Six lustres à pendeloques tombaient d'un plafond dont la charpente était revêtue d'étoffe blanche. Deux piliers enrubannés, debout dans la longueur de la pièce, supportant la toiture, étaient ornés d'appliques de bronze aux nombreuses lumières et d'écussons chargés de drapeaux pareils à ceux appendus à la tenture. Au fond, les musiciens sur leur estrade de draperie, et tout autour de la salle, des banquettes recouvertes de housses de velours rouge à crépines d'or. La musique s'arrêta net, et on organisa le quadrille d'honneur, dansé par M. de Soutis et la gigantesque Mme Breton, tout empanachée dans sa toilette criarde. Valère et Marguerite leur faisaient vis-à-vis. La marquise s'étant récusée, Julie et Maurice firent partie d'un quadrille où figurait un gros meunier des environs et sa fille. Tous les autres, couple par couple, entrèrent en branle au milieu du bruit que faisaient les gros souliers cloutés des danseurs, cognant lourdement de leurs pieds le plancher. Le tapage était assez assourdissant pour que les deux pistons se vissent obligés d'accentuer l'éclat de leurs notes. La petite flûte sifflait à perte d'haleine, pendant que le saxhorn, le trombone et la contrebasse mugissaient sourdement. Le violon seul conservait ses allures guillerettes, phrasant prétentieusement la mélodie de bastringue. Le marquis fut forcé d'inviter plusieurs paysannes de marque. De même que Mademoiselle de Soutis, il ne pouvait se soustraire à cette corvée. Situation oblige. Marguerite, en effet, fut contrainte d'accepter l'invitation de cinq ou six gars du pays qu'un refus aurait certainement froissé. C'était un usage, il fallait s'y soumettre. La marquise sortira de fort bonne heure, suivie de Maurice et de Lucien, pour lesquels la danse n'avait aucun attrait. Julie, Valère et Madame Breton restèrent sur la brèche courageusement. Ils ne voulaient pas abandonner aux sauvages le pauvre Monsieur de Soutis et sa fille, et de fait, le marquis, malgré de réels efforts pour paraître s'amuser, faisait grise mine. Il cherchait avec obstination une issue à la situation que Madame Breton leur avait faite à Julie et à lui. Ce mariage, presque arrêté par elle, venait inopinément détruire leur bonheur. Julie, pour ne point mettre en éveil l'esprit de sa mère, s'était donné de son côté l'apparence d'une gaieté insouciante. Elle s'en remettait d'abord au marquis beaucoup plus qu'à elle-même pour sortir d'une situation aussi douloureuse et aussi compliquée, et pendant ce temps, les musiciens, les joues gonflées comme des ballons, les yeux louchants ou désorbités, soufflaient avec une rage une sorte de galop endiablé. Ce vacarme, mêlé au tapage des danseurs, ne parvenait pas à faire sortir M. de Soutis de ses absorbantes songeries. De temps en temps, cependant, pour ménager Madame Breton, il tentait d'être aimable et lui adressait une phrase ou un compliment banal. Ne sachant que dire, il s'avisa de lui parler du goût de sa toilette. Le malheureux ne se doutait pas qu'il venait d'émoustiller la faiblesse de la dame. Elle répondit en minaudant « Mon cher marquis, j'ai toujours passé pour avoir beaucoup de goût. Ne suis-je pas femme? Je tenais aussi à faire honneur à mes hôtes. La toilette pour moi est chose importante, elle a son art. Et je l'ai divisé en trois points, ou plutôt en trois manières, d'accord avec les circonstances où je la porte. Ainsi j'ai trois sortes de robes que j'ai baptisées « court toujours »,« belote » et « triomphante ». Aujourd'hui j'ai mis « triomphante ».« Court toujours » est la mise du matin, de la messe de 8 heures, de mes visites aux pauvres ou dans les magasins. « Belote » est exclusivement réservée aux visites de l'après-midi. C'est maintenu le jour où je reçois. Triomphante, enfin, et pour les grandes occasions, dîner en ville, bal ou spectacle. Une femme qui sait s'habiller ne doit pas se départir de cette classification inventée par moi, mais hélas, le besoin de paraître quand même oblitère leur goût. Julie causait avec son frère et lui racontait le mariage arrangé par sa mère. Valère, très attentionné, lui répondit « Maman a eu là une inspiration de génie. Tu ne pouvais pas espérer une union plus belle. Charles Viau est non seulement dès aujourd'hui fort riche, mais il sera archimillionnaire un jour. C'est un homme tout à fait remarquable, destiné au plus brillant avenir. Il ne m'a pas dissimulé le penchant sérieux qui l'attirait vers toi. Je t'en aurais parlé si je n'avais pris le parti de ne mêler jamais, fût-ce même pour ma sœur, de choses où le seul juge est la personne en cause. Aujourd'hui que maman a tout arrangé, je puis te dire que je suis particulièrement heureux pour toi et pour mon camarade du choix qu'elle a arrêté d'accord avec le père de Viau. Qu'as-tu répondu à notre mère ?» Mademoiselle Breton avait caressé l'espoir que son frère, la franchise même, aurait trouvé quelque obstacle à ce mariage, en lui faisant de M. Charles Viau un portrait moins louangeur que celui que lui n'avait fait Mme Breton. Il n'en était rien, et elle retombait dans son incertitude. Elle ne l'avoua pas, cependant. La pensée que M. Charles Viau pourrait être un mari pour moi ne m'étant jamais venue à l'esprit, j'ai été plus surprise que satisfaite de la nouvelle que m'annonçait notre chère maman. Je n'ai pas encore songé au mariage, et il faut bien me donner le temps de m'acclimater à cette idée que je ne repousse pas d'abord. Seulement, notre mère exige une réponse immédiate que je ne veux lui donner qu'en connaissance de cause, qu'après m'être consulté longuement. Le sujet n'en vaut-il pas la peine ? Je me range tout à fait à ton avis, qui est fort sage. Eh bien, je te demande, si maman bien entendu se plaint à toi de ma temporisation, de me soutenir, en lui disant que j'ai besoin de me rencontrer avec M. Charles Viau, à peine entrevu, et que j'aimerais sans doute comme il le mérite. » L'orchestre jouait maintenant une polka que Marguerite dansait avec un lourdeau en blouse, tenant son corps délicat serré dans son bras rustique, et qui de l'autre bras élevé en l'air dans l'attitude d'une menace, serrait de sa main puissante la petite main blanche effilée, fuyante de sa victime résignée. Le parquet, arrosé avant le bal, était sec maintenant. À chaque coup de soulier, il s'en dégageait une poussière légère et montante qui formait une atmosphère épaisse et lourde, rougie par la lumière des bougies qui s'y tamisaient avec peine. C'était une suffocation, un air chaud prenant la gorge, auquel se mêlaient les arômes un peu crus de tous ces gens, dont le front perlait de sueur. Monsieur de Soutis, une fois la polka terminée, rallia tout son monde et profita d'un nouveau quadrille pour disparaître avec Madame Breton, Marguerite, Valère et Julie. La présence de tout ce beau monde avait forcément mis quelques contraintes aux épanchements des danseurs. Le châtelain disparut, l'indépendance reprit le dessus et chacun dansa à sa guise, loin des regards intimidants. Des contorsions de toutes sortes, des tournoiements de toupies, des bras jetés en l'air en même temps que des pointes de souliers faisant une courte apparition au-dessus des têtes, des sursauts de démoniaques succédèrent à la contrainte des invités. Tous ces gens-là se secouaient comme des possédés, la bouche largement fendue dans un rire contracté. Les bonnets des danseuses chaviraient maintenant sur leurs têtes, les chignons se déroulaient, les vieux, assis en randonnion sur les banquettes, fumaient de petites pipes noires aux tuyaux rongés jusqu'au fourneau. D'aucuns traversaient la cohue, pressés à droite, rejetés violemment à gauche par les bousculades, recevant des coups de coude ou des coups de poing pour se rendre, pénible voyage, à la porte du bal, où des tables dressées devant des pièces de vin et de bière montées sur leur chantier les attendaient avec leurs verres que Barrican, aidé de trois domestiques, ne cessait d'emplir. Les gosiers, desséchés par la chaleur et la poussière, devenus de véritables foyers d'incendie, engloutissaient d'un trait tout ce liquide, puis on rentrait dans la salle, profitant d'un intervalle entre deux danses pour reprendre sa place. L'orchestre bientôt rugissait de nouveau. On se sépara à 6 heures du matin. Les habitants du château passèrent, grâce à ce formidable tapage, une nuit blanche. Tout le monde, au déjeuner, arriva le visage pâli, le corps brisé. Et cependant, ce fut l'heure du repas que Madame Breton choisit pour prendre la parole. Elle remercia d'abord le marquis et la marquise de leur bonne hospitalité. Elle annonça officiellement le mariage de Julie, s'étalant avec complaisance sur tous les avantages qu'il garantissait à sa fille pour le présent et pour l'avenir. C'était son œuvre à elle, et chacune de ses paroles lui procurait une indicible et égoïste jouissance. Elle termina son discours par ces mots. « Il n'y a pas de plaisir ici-bas dont on doive abuser. J'ai donc décidé, mes chers hôtes, de quitter les tilleuls aujourd'hui même. J'emmène avec moi Julie et Valère. » « Oh, laissez-nous Julie !» interrompit le marquis, incapable de déguiser l'atterrement où le jetait cette décision subite. « Impossible, mon cher marquis. La présence de ma fille est plus que jamais indispensable auprès de moi, vous le comprenez bien. Pendant les quelques semaines qui vont précéder son mariage, dont vous me ferez l'honneur d'être témoin, j'en suis sûr. Ne faut-il pas que ma chère enfant voie son fiancé ? Monsieur Charles Viau aurait tout lieu de s'étonner de son absence, et il serait dans son droit, ce charmant jeune homme. Quant à Valère, par une raison inverse et cependant analogue, il ne peut continuer de vivre sous le même toit que sa future. Il viendra de temps en temps faire sa cour jusqu'au jour de la cérémonie. » Madame de Soutis écoutait impassible tout ce bavardage. Julie et le marquis, silencieux tous les deux, étaient plongés dans leurs douloureuses pensées. Marguerite, seule, insista et de sa voix harmonieuse dit à Madame Breton « Vous me faites une grande peine, madame, en m'enlevant ma meilleure amie. Je comptais la garder auprès de moi jusqu'au jour de mon mariage, où elle remplit les fonctions de demoiselle d'honneur. N'y aurait-il pas moyen de nous la laisser encore pendant une semaine, une pauvre petite semaine ?» La marquise écouta sa fille, souriante et émue à la fois de ce cœur exquis, qui ne lui appartenait plus tout entier. Mais elle reporta les yeux aussitôt sur son mari et sur Julie, que depuis quelques instants elle épiait d'une insistante façon. Son esprit, éloigné par nature autant que par éducation de tout mauvais soupçon, était subitement en arrêt sur cette monstrueuse possibilité que son mari, si transformé depuis un mois, pourrait être épris de mademoiselle Breton. Elle rapprocha alors certains mots, certaines circonstances passées inaperçues et qui prirent tout d'un coup l'importance d'une révélation. Elle tentait de chasser ces vilaines suppositions, mais malgré les raisonnements qu'elle essayait de se faire pour sauvegarder l'honneur du marquis et son bonheur à elle menacé, elle revenait obstinément à sa pensée première. Ce serait horrible. Comment, sous son toit, elle aurait introduit, aimé, choyé une créature aussi fausse que cette Julie Breton ? Alors, c'est Julie seule qu'elle accusa, qu'elle rendit responsable du malheur qui s'abattait sur sa maison. Il avait fallu évidemment qu'elle s'offrît au marquis, pour changer à ce point celui qui l'avait rendue si heureuse. Elle ne pouvait admettre que M. de Soutis, qu'elle connaissait bien, dont elle savait la doctrine et les sentiments élevés, eût eu, le premier, une pensée criminelle. Mais non, elle se trompait. Alors elle plaça à son tour un mot dans la conversation. « Ma chère Marguerite, tu as tort d'insister. Ce que disait tout à l'heure Madame Breton est absolument juste et sensé, et dans la règle, il est hors d'usage qu'une jeune fille fiancée se tienne éloignée de celui qui lui est destiné lorsque rien ne l'y force. Julie doit être chez elle. C'est là sa place aujourd'hui et plus que jamais. Dans quelques semaines, tu seras libre de la voir à ton gré. » « Merci, chère madame, » répondit madame Breton. « La voix de la sagesse et du savoir-vivre a parlé par votre bouche. Les enfants sont terribles, vous savez. Ils ne veulent en faire qu'à leur tête et traiteraient leur mère de radoteuse s'ils osaient. Allons, Julie, ma fille, monte chez toi et prépare ton départ. » Mademoiselle Breton ne put maîtriser ses larmes. Elle sortit de table et alla dans sa chambre pleurer sans témoin. Au bout de quelques instants, elle entendit un coup discret frapper à sa porte. C'était le marquis qui entra sur la pointe du pied, tournant derrière lui la clé dans la serrure. La décision de Madame Breton le rendait fou. Il s'assit, accablé de douleur, attirant à lui Julie qu'il tenait par les deux mains. « Faut-il dire un éternel adieu à notre bonheur ? Pour moi, ma chère et tendre amie, je ne saurais résister à un pareil effondrement. Après une vie déjà longue, arriver enfin au paradis, y entrevoir les félicités inconnues, goûter aux joies des bienheureux, entendre le concert de l'adoration perpétuelle, y prendre sa part, posséder tout, enfin, et subitement, tout perdre, cela dépasse la somme du courage humain. » Mademoiselle Breton pleurait, silencieuse, comme s'il avait perdu l'usage de la parole. Elle s'abandonna et s'assit sur les genoux de M. de Soutis, cachant sa tête contre sa poitrine. Celui-ci la serra dans une étreinte passionnée. Ni l'un ni l'autre n'entendirent qu'on parlait à voix basse dans la chambre de Marguerite. C'était Madame Breton qui, avant de partir, avait tenu à entretenir quelques instants sa future belle-fille. Elle lui faisait de maternelles recommandations au sujet de son cher Valère, qui méritait si bien l'amour qu'elle lui avait donné. La bonne dame, parlant fort bas, ne tarissait pas d'éloges sur les qualités de son enfant. Marguerite, assise devant elle, l'écoutait radieuse, soulignant d'un sourire chacune des perfections vantées au fur et à mesure que sa future belle-mère les énumérait. elle quitta sa future belle-mère avec un baiser sonore sur ses vastes joues. Les deux chambres communiquaient l'une dans l'autre. Monsieur de Soutis reprit à haute voix. « Non, ce crime ne se commettra pas. Non, ma Julie bien-aimée, je ne te laisserai pas céder à ta mère. Je ne veux pas que ton cœur généreux te fasse victime de cette épouvantable union. Tu ne peux pas enchaîner ta vie à celle d'un être que tu n'aimes pas. Pour éviter l'extrémité où je te vois réduite, il n'y a qu'un moyen, la fuite. » À ce moment, la porte placée entre les deux pièces fut ouverte dans un bruit épouvantable. Madame Breton, l'œil en feu, les joues couvertes d'un incarnat apoplectique, se tenant droite, s'avança lentement, théâtralement. Le marquis de Soutis et Julie s'étaient dressés, comme mus par un ressort. « Vous nous écoutiez, madame ?» dit le marquis, prenant le premier la parole, pendant que mademoiselle Breton, un mouchoir sur les yeux, cachait son angoisse. « Eh bien, j'aime mieux cela. Vous savez tout maintenant. » Vous voilà donc dans l'impossibilité de perpétrer l'action mauvaise que vous aviez si habilement préparée. » Madame Breton, d'un geste noble, ramena son index sur ses lèvres et, se contenant, parlant à voix basse, les dents serrées par la colère. « Silence, d'abord. Vous avez une fameuse audace pour oser ouvrir la bouche devant moi. Tout marquis de Soutis que vous êtes, vous entendrez ce qu'une mère outragée a sur le cœur. Vous êtes, monsieur, un misérable. Si j'étais un homme, je vous tuerais comme un chien. Comment ? Je vous confie la plus pure, la plus chaste des enfants. Je me repose en vous comme en un père de famille qui lui-même a une fille. Et vous profitez, malgré votre âge, malgré vos cheveux blancs, du dépôt sacré que je vous ai fait pour me le voler, pour déshonorer mon enfant, et cela, sous votre propre toit. Mais tenez, je vaux mieux que vous. J'ai pitié de votre triste mine et je me tairai. Ce secret, découvert par moi, doit être gardé et doit rester entre nous. Il y va de l'intérêt de ma fille, il y va du bonheur de mon fils et de votre enfant, et du repos de la marquise de Soutis, dont j'oublie les hauteurs, les dédains et la rogue pour la plaindre maintenant d'avoir un mari tel que vous. Que personne ne soupçonne l'attentat dont vous vous êtes rendu coupable. Je vais partir tout à l'heure avec Julie. Nous nous quitterons comme si rien ne s'était passé entre nous. Telle est ma volonté formelle, jurez-moi de vous y conformer. » Monsieur de Soutis s'inclina. « Je vous jure, madame, que votre volonté sera faite. »« Adieu, » ajouta sèchement madame Breton, un peu apaisée. « Vous ne me reverrez plus que le jour du mariage de nos enfants. Quant à vous, Julie, suivez-moi. »